chez nous parler d'une certaine type, catégorie de personnes, de gens, de... Enfin, ouais. J'ai des gens à côté de chez moi. Ce sont les voisins, les seules personnes sur Terre à frapper quand il y a trop de bruit à 15h de l'après-midi. Des personnes qui, comme par hasard, ne savent dire ni bonjour ni merci, ont carrément perdu le langage français. En plus, ils sont vieux, ils sont laids, ils sentent pas bon. Mais s'il vous plaît, soyez indulgents, nous sommes jeunes. Alors si le dimanche soir on finit les soirées à minuit, bah... J'ai la vie, mon petit gars. Si t'es pas content d'habiter à côté de chez moi, tant pis pour toi. T'as oublié d'être jeune, quoi. C'est les gens qui prennent le temps dans l'ascenseur, même pour monter à l'étage. Des gens qui ne côtoient jamais l'extérieur, des gens qui, je pense, n'ont pas d'âge. Ils sont vieux, ils sont laids, et ils ont perdu le langage français. T'es à côté de chez moi. De toute façon t'es toi, t'as pas le choix. T'as oublié d'être jeune ou quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans...